Bonsoir les amis, comment allez-vous? Ah, c'est pas je vais bien, très franc. On s'en doute. L'époque est complexe. Ça a été le fruit de la réflexion du professeur. Il a beaucoup réfléchi depuis la dernière élucubration. Et il s'est dit, mais tout ça, c'est un déséquilibre, mais incroyable. Le monde est en déséquilibre. Il va falloir rééquilibrer tout ça. Bon. Il est venu me voir, il m'a dit, voilà, nous avons une mission, nous devons rééquilibrer le monde. Bon, venant de sa part, sachant qu'il est quand même légèrement déséquilibré, j'ai trouvé ça un peu étrange comme réflexion. Comment peut-il se placer en équilibreur alors que lui-même étant très déséquilibré? Alors il m'expliquait, ben si, c'est justement ça le truc. C'est qu'en fait, si on apporte un déséquilibre à un déséquilibre, autant on trouve un équilibre. Ah, fatalement. C'est un élément auquel je n'avais pas réfléchi. Et oui, c'est vrai. Voilà, il m'a dit, c'est un peu comme l'homéopathie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le mal soigne le mal, je ne sais pas quoi. Enfin, un truc comme ça, quoi. Il m'a fait toute une théorie incroyable. Donc, il est parti dans l'idée d'équilibrer le monde. Alors, il recherche des bonnes volontés, donc plutôt des gens déséquilibrés, hein, si j'ai bien compris. Donc, si vous, si c'est votre cas, vous pouvez postuler. Parce qu'il veut, là, il veut proposer un gouvernement, donc avec le ministère de l'équilibre en ministère majeur. Donc, adieu l'économie, tout ça. Parce que ça, c'est pareil, il m'a dit, tout ça, c'est un déséquilibre incroyable. Il faut, remettre tout ça, mais c'est de second plan. Donc voilà, pour tous les gens qui s'inquiètent un peu de l'avenir du monde, bon ben rassurez-vous, le professeur est sur l'affaire. Normalement, ça devrait assez bien se passer, parce que je pense que bon, ça va rester très... Vous, vous êtes au courant, parce que voilà, vous êtes un peu dans un cercle rapproché, mais je ne pense pas que ça fasse beaucoup, beaucoup de bruit. Si vous en entendez parler à la télé, c'est que là, vraiment, je pense que nous sommes au bord de la catastrophe. Mais qui sait, pourquoi pas? Après tout, ça peut être la dernière solution, hein, faire appel au professeur pour équilibrer le monde. Pourquoi pas? Donc, du coup, bon, j'ai dit tout ça, c'est bien beau, mais bon, on a une émission quand même. Donc, je suis pas sûr, moi, d'avoir la voix qui rend les gens équilibrés, mais il va falloir qu'on essaie de faire quelque chose. Donc, il m'a amené des choses. Alors là, pour le coup, mais c'est plus que déséquilibré. Il y a un peu de tout, pas beaucoup de chaque. Donc, du coup, ça va être un peu compliqué, pour moi comme mission d'arriver à équilibrer tout ce désordre qu'il m'a amené. Et en plus, nous avons quelques problèmes techniques. Donc, si de temps en temps, vous avez des bruits parasites, style grillon, ne vous inquiétez pas, c'est pas chez vous, c'est dans le poste. Voilà, en attendant, nous allons monter en voiture, parce que la machine à son, ça s'écoute aussi en voiture. Et d'ailleurs, avec le professeur, nous embrassons tous les gens qui nous écoutent en ce moment en voiture. Thank you. Levi's and Grace means mom's burden with a pleasure chest. Gator hogs like wild dogs, but no ears and hospitals. Bad news from the underworld. Broken down boys and tragic girls. Bad news. Bad news. Bad news. Bad news from the underworld. Dreams are cold as all the rebels grow old. Like everybody else. Yeah. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour faire des émissions explosives? Il faut des consonnes explosives et de la musique explosive. Normalement, vous êtes tout à fait prêt pour retrouver votre équilibre. Et oui, le professeur, il avait une petite recette quand même en m'amenant tous ces trucs un peu chelous, là. Un peu les uns qui vont pas vraiment avec les autres, etc. Donc un peu de complications pour moi. Surtout qu'en plus, là, il m'a fait péter tous les compteurs sur le rouge. Je vais me faire engueuler parce qu'il faut pas dépasser, sinon c'est pas bien. Et ben, j'ai bien peur qu'on continue. We'll be right back.

Petit à petit grandit, joue à cloche-pied sur les îles, traverse de lointains pays, arrive en vue des grandes villes. Il traverse les rues à grands coups de klaxon, il éclate le rire sous le soleil des plages, il secoue les fenêtres, fait trembler les maisons et renvole pour la vie la fille. Eats flies. I can sleep on the wing. Amazing, amazing that. Sleeps on the wing, and it can fly like at different angles because it like it's when it, you know. What I'm trying to tell you is like the wings. The wings beat at different speeds, and when the wings beat at different speeds, they like go different directions somehow. It's got a wingspan about 7, 8, 12 inches, somewhere near. In the nest, they have little funny things which like catch onto the backs of them. Now, they're called parasites. They've got six legs and they look very ugly. They ruin the life of the swift. The swift is capable of flying at least 80 miles an hour. In a dive, it'll probably get up to 120. I've had enough. I want a drink. No, you think you've had love? Yeah. No. Bon, je pense que là, vous commencez à être vraiment équilibré, n'est-ce pas? Le professeur, toujours pas, mais c'est normal. Hein. Tant qu'il reste déséquilibré, vous, vous allez pouvoir rester équilibré et vous sentir comme, je sais pas moi, comme des kangourous. I'm Et c'est ainsi que s'achève tout doucement la machine à son, tout doucement. Et oui, les amis, il est temps de vous rendre votre liberté. Maintenant que vous êtes tous bien équilibrés, vous allez pouvoir dormir paisiblement ou faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais dans l'équilibre, la joie, l'amour et le bonheur. Donc ce soir, vous avez entendu dans cette émission qui, ma foi, aurait pu être beaucoup plus déséquilibrée. C'est pas simple hein, quand même, parce que voilà, moi je suis pas aussi taré que le professeur, donc avec le déséquilibre j'ai un peu de mal. Moi je suis quelqu'un de très, comment dire, prussien presque, suisse. Bref, ce soir vous avez écouté, là vous entendez derrière Xenakis, je sais plus du tout le titre du morceau, c'est pas grave. The Mystery Lights, avant ça I'm So Tired, il en a marre de la ville, il a envie de se casser à la campagne. Le Certain Floor Elevator, bon, sont un peu pourris, sa reverberation n'était pas très réverbérante, je me dépêche quand même. Martha Vélez, Tell Mama, bon, c'est vrai que ça aurait pu être meilleur, mais c'était quand même pas mal. Moi, j'ai adoré les vocalises au début, mais bon, ça fait pas tout le morceau. Marcia Griffith, I Feel Like Jumping, Feel Like Jumping, pardon. Los Ross, Yeah, des Espagnols assez peu connus. The Who, Daddy Rolling Stone, des Anglais assez connus. France Gall, Le Temps du Tempo, ben oui, elle est tombée là par hasard. Los Yoyi, alors là, la grande trouvaille de la soirée, Paco à la Calle, et l'espèce de morceau un peu, je ne saurais pas dire, c'est funky avec des petits sons machin, mais je ne saurais pas décrire. Divo, Too Much Paranoia, là il y a eu des trous, j'ai oublié de noter, c'est pas grave, vous en sortirez. Si, il y a eu quand même pas mal de trucs ce soir, il faut le dire, là j'ai encore un peu le temps. Il y a eu plusieurs fois des interventions de Pierre-Henri, Sylvia Montfort, etc. dans un disque qui est vraiment fantastique, que le professeur a trouvé je ne sais où, sans doute dans une de ses vadrouilles quelconques. Ça s'appelle Paul Sarisson présente, deux textes de Claude Pascal, L'Occident Bleu, Michel Vitol, ça on n'a pas écouté, et L'An 56 par Sylvia Montfort, la musique de Pierre-Henri. Donc voilà, c'était quand même à signaler. Et bref, c'était un petit peu de temps en temps dans le truc. The Crystal Teardrops, A Thought With You, The Monsieur, All We Roll, alors celui-là il était pas mal, Killer King, Mr. Dynamite, fabuleux, XYZ, Don't Treat Me, d'ailleurs ils sont demain soir à Perpignan si vous êtes de Perpignan, Kim Foley, Bad News From Underworld, un classique dans la machine à son, mais ça vous fait toujours du bien, et là je vois que ça va être l'heure, putain je vais être pile à l'heure, Pierre-Henri Diffus, bah voilà au début il a eu un morceau que pour lui, Michel Magne, Route de Nuit, bonne nuit. Rassurez-vous, la Radio Campus Montpellier, ça continue.